Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grands titres de cette édition. Le premier convoi de réfugiés qui seront rapatriés arrive ce jeudi, selon le ministre de l'Intérieur. Il s'est entretenu ce mardi avec le représentant du HCR au Burundi. Et plus ou moins 12 000 réfugiés burundais sont attendus dans le pays jusqu'à la fin de cette année. Et le parti Savanya Frodebou, il a Guilian Dadaye et la coalition Amizero Yabarundi regrettent de n'avoir pas été consultés par la commission en charge de l'amendement de la Constitution. Cette commission termine ce mandat le 15 septembre prochain, mais refuse de se prononcer sur l'état d'avancement de son travail. L'année scolaire 2017-2018 commence lundi prochain, mais les élèves qui passent au niveau post-fondamental ont encore à attendre leurs orientations. Entre-temps, tous les élèves se trouvant dans les écoles d'excellence vont être transférés dans d'autres établissements. Notre correspondant au sud du pays nous donnera des précisions sur cette décision du ministère de l'Éducation qui a été lue devant les parents et les élèves du lycée de Makamba aujourd'hui. Et dans la chronique santé, nous vous proposons la deuxième partie sur les hépatites virales. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, la commission chargée de proposer les articles à amender dans la Constitution du Burundi va bientôt terminer son mandat de 6 mois, tel que le prévoit le décret présidentiel du 15 mars de l'année en cours. Alors que ce mandat prend fin le 15 septembre prochain, cette commission refuse de se prononcer sur l'état d'avancement de ses activités ni de la méthodologie utilisée. Et la coalition Amizero Yabarundi dit n'avoir pas été consultée par cette commission. Qui est chargé de proposer des amendements afin de contribuer aux modifications de certains articles de la Constitution. Selon le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de la coalition, Amizero Yabarundi, le contenu de ce qui sortira du rapport de la dite commission n'est pas de nature à rassembler les Burundais. Suivez Agathe Rwasa. Nous n'avons pas été consultés. Je ne suis même pas sûr si les autres organisations politiques ont été consultées. Vous savez, pour nous, on nous considère comme des parias, comme des non-citoyens qui n'avions pas droit à faire de la politique. Néanmoins, la Constitution, c'est une affaire de tout le monde, politiciens et non-politiciens. Ce que je pense, alors, c'est que la démarche qui a été entreprise n'est pas du tout la bonne. Elle est plutôt une démarche qui risque de faire basculer dans le côté négatif. De surcroît, selon certains dires, les propositions d'amendement risquent plutôt d'avoir un caractère rétrograde, dans ce sens que, notamment, on veut y introduire des articles discriminatoires du genre niveau d'études, de diplômes, des trucs du genre qui contrastent en fait avec le pacte international des droits civils et politiques que le Burundi a ratifié en 1996, je crois, si je ne me trompe. Honorable, est-ce que dire le contenu d'un rapport qui n'est pas encore sorti ne serait pas exagéré? Je n'exagère rien. Et de surcroît, si on n'aimerait pas qu'il y ait des exagérations ou des préjugés, c'est que ça devrait se faire dans la transparence. Pourquoi alors on a évité justement de consulter les parties prenantes à la vie politique du Burundi dans une affaire aussi importante que la Constitution? Ne serait-ce pas plutôt une façon de chercher justement à changer la Constitution et la tailler sur mesure de qui voudrait que la Constitution soit à son service au lieu que la Constitution serve la nation burundaise? À la question de savoir la place qui sera réservée au dialogue externe en cours, Agathon Rwasa indique que toute modification éventuelle de la Constitution devrait inclure les apports des uns et des autres. Encore une fois, Agathon Rwasa. C'est justement une course contre la montre pour éviter justement l'apport des autres. Sinon, la meilleure démarche aurait été que plutôt on accélère le dialogue extérieur pour qu'on aboutisse à des conclusions qui seraient alors compilées avec les conclusions du dialogue dit intérieur. Et comme ça, toutes les parties prenantes se conviendraient de quoi on pourrait changer, quoi amender. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être avoir droit à un texte qui puisse recueillir le consensus de tout le monde. Mais à l'heure actuelle, la démarche entreprise va plutôt dans le sens, justement, d'ignorer une bonne partie de Burundi et de juste répondre aux aspirations des détenteurs du pouvoir. Agathon Rwasa, c'est le président de la coalition Amizero Yabarundi. Même son de cloche au parti Frodebou, Nyakurira Guilian Dadaye. Kefani Wizi, président du parti, garde espoir qu'ils seront consultés à d'autres étapes du processus d'amendement de la Constitution Et quant à la place de ce qui sortira du dialogue externe, le président du Frode Bunyakuri accuse la facilitation d'avoir fait tarder ce dialogue sans raisons évidentes. La commission qui a été chargée de proposer les amendements de la Constitution n'a pas encore consulté le parti Seigneur Frode Bunyakuri et Yanda Daye. Et nous apprenons qu'il n'y a aucun parti politique qui aurait été consulté par cette commission. Nous estimons donc que peut-être la consultation des partis politiques se ferait à un autre niveau qu'au niveau de cette commission. Donc nous gardons toujours espoir et que nous serons consultés à d'autres niveaux. Quelle serait donc la place de ce qui sortira du dialogue inter-burundais de l'extérieur si cette commission donne son rapport sans que ce qui ressort de ce dialogue puisse être tenu en compte? Bon, là, nous interpellerons le facilitateur dans le dialogue inter-burundais et pour qu'il fasse vite sa mission afin de transmettre le rapport en Tahiti et pour qu'au cas échéant, les idées qu'on a dans ce rapport puissent contribuer dans l'amendement de la Constitution, du moins si on trouve qu'il y a des idées nouvelles qui n'ont pas été proposées par les Burundais qui se trouvent ici. Et parce que nous voyons que la facilitation a beaucoup traîné et dans ce dialogue, c'est un motif valable et ça ne pourrait pas empêcher que la Constitution soit amendée. Kefani Wizi, c'est le président du parti Frode Bunyakuri Iragi Lyandadaye. Tous ces propos ont été recueillis au téléphone par Charles Makoto. Il est 13h03 à Bujumbura et sur Issa. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Nous ouvrons la rubrique éducation à présent. L'année scolaire 2017-2018 pour les écoles fondamentales et post-fondamentales commence le lundi 11 septembre. L'annonce a été faite ce mardi devant la presse par le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Jouma Edouard indique que les élèves qui ont fait le concours national pour aller au poste fondamental sauront incessamment leurs orientations. Il appelle les responsables, chacun en ce qui le concerne, à œuvrer pour que la date du 11 septembre soit respectée. Suivez-le. Les directeurs provinciaux et communaux de l'enseignement doivent s'impliquer personnellement pour cette échéance. Les élèves admis à l'internat seront accueillis dans leurs établissements dès la veille, c'est-à-dire le dimanche 10 septembre à partir de 15h. De même, tous les enseignants doivent se trouver sur leur poste d'attache à 7h30 le lundi 11 septembre. L'opération de redéploiement des personnels qui vise d'assainir la gestion des ressources humaines a été conduite en toute transparence. Cette opération vise l'utilisation rationnelle des ressources humaines ainsi que leur répartition équitable à tous les niveaux. Nous encourageons donc les enseignants redéployés de prendre les dispositions utiles pour regagner leur nouveau poste d'affectation dans les meilleurs délais. Le ministère saisit cette occasion pour apporter un éclairage sur certains points essentiels qui vont marquer la présente rentrée scolaire. D'abord, le règlement scolaire harmonisé qui va être d'application dans toutes les écoles, aussi bien publiques que privées. Ces règlements visent à faire de l'école non seulement un espace d'épanouissement intellectuel, mais aussi un espace de sauvegarde des valeurs qui fondent la société burundaise. En second lieu, la recherche de la performance a poussé le ministère à prendre des mesures extrêmes de fermeture du cycle fondamental de certaines écoles privées et de limogeage des directeurs des écoles publiques non performantes. Et Jouma Edouard s'exprime aussi sur des écoles privées dont le cycle de l'enseignement post-fondamental a été fermé pour cause de mauvaises performances. Il parle de 13 écoles qui, selon lui, se sont fermées elles-mêmes. Ici, peut-être j'apporterai deux éléments importants. Le premier, c'est que c'était des écoles sans vitalité réelle, du moment qu'il y en a quatre qui n'ont présenté qu'un seul candidat au concours, il y en a deux qui ont présenté seulement trois, et d'autres qui n'ont pas un effectif de 20. Et avec des effectifs pareils, qu'ils enregistrent zéro réussite, c'est une preuve que ce sont des écoles qui étaient plus ou moins moribondes, qui ne pouvaient pas tenir. C'est pourquoi cette mesure est plutôt salutaire pour les enfants qui fréquentent ces écoles, parce que là, c'est une preuve que l'encadrement pédagogique est très, très défaillant. Les effectifs ne sont pas tellement nombreux pour que ça puisse vraiment perturber la rentrée scolaire. Ce sont des effectifs minimes et nous avons demandé aux parents de pouvoir orienter leurs élèves dans des écoles qui sont plus viables, mieux organisées et des écoles plus performantes. Alors, comme il s'agit majoritairement des écoles privées, la question d'impliquer le ministère pour chercher les places de ces enfants-là ne tient pas, dans la mesure où c'est souvent de la volonté des parents qui choisissent eux-mêmes les établissements où ils vont placer leurs élèves. Juma Edouard, éducation toujours, je vous l'avais dit dans les titres, tous les élèves se trouvant dans les lycées abritant les écoles d'excellence vont être transférés dans d'autres établissements. Une décision du ministère qui a été lue devant les parents et élèves du lycée Makamba en premier lieu. Alors que les écoles qui vont accueillir ces élèves au sud du pays sont déjà connues, les enseignants redoutent déjà d'un redéploiement. Jean-Pierre Missago, notre correspondant au sud du pays, vient de s'entretenir depuis Makamba avec notre consoeur Mireille Kanyang. Je viens juste de sortir de la salle de réunion du lycée Makamba en province de Makamba. C'est là en effet que André Ninina Hazoué, directeur de ce lycée, vient d'annoncer que tous les élèves qui fréquentaient cet établissement scolaire, sauf bien sûr ceux de l'école d'excellence, ont été réorientés soit au lycée Rutana en province de Rutana, soit au lycée Rutovu en province de Bururi, suivant les sections qu'ils fréquentaient au lycée Makamba. Le directeur du lycée Makamba a informé les parents d'élèves et les élèves présents qu'il s'agit là d'une nouvelle orientation du ministère ayant en charge l'éducation dans ses attributions, réservant aux seuls élèves de l'école d'excellence tous les établissements qui avaient les septièmes années de l'école d'excellence. Oui, Jean-Pierre Missago, c'est une décision qui tombe à la veille de la rentrée scolaire 2017-2018. Comment est-ce que les parents, élèves et professeurs ont accueilli une telle décision? Certains des élèves concernés par cette nouvelle orientation, surtout ceux-là qui vont faire leur dernière année ailleurs, redoutent de la chute des résultats en classe. Les parents ne savent pas sur quel sens se vouer, surtout ceux qui avaient déjà des problèmes de pouvoir se procurer du ticket de transport des élèves. Et les professeurs, quant à eux, ne savent pas où ils seront nouvellement orientés, puisqu'ils disent que le redéploiement en province Makamba est déjà terminé. Ils redoutent qu'ils seront cette fois-ci réorientés ou réaffectés dans d'autres établissements plus éloignés du centre urbain de Makamba, puisque le redéploiement avait été déjà effectué et cette école de la province de Makamba n'avait pas été concernée par le redéploiement. Ceux qui ne seront pas retenus puisqu'ils ont passé un examen pour prester à l'école d'excellence se demandent où ils seront affectés. Voilà, c'était notre correspondant au sud du pays, Jean-Pierre Missago, qui s'entretenait au téléphone avec Mireille Kanyang. La population urbaine de Bujumbura se plaint du retard enregistré dans l'octroi des moustiquaires par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Ces plaintes partent d'un recensement des personnes en besoin de moustiquaires dans tout le pays il y a quelques mois. Cette population demande que ces moustiquaires soient servis. Écoutez ces habitants urbains qui se sont exprimés au micro de notre stagiaire, Erin Nibel Nibigira. Concernant ces moustiquaires, nous avons été mentis parce que c'est inconcevable qu'on vienne de passer 2 mois sans moustiquaires alors que nous nous sommes fait enregistrer. Je ne sais pas la raison de ce retard, mais je demande plutôt au ministère de nous donner ces moustiquaires ou encore nous annoncer qu'il n'y en a pas juste pour le savoir. Nous croyons qu'ils nous auraient menti, parce que jusqu'à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas encore vu ces moustiquaires. Nous ne savons rien sur ce retard. Donc, nous demandons que ces moustiquaires soient octroyés, d'autant plus que c'est la saison sèche, où il y a beaucoup de moustiques et qu'on n'a pas de couverture. Ils sont venus nous recenser, qu'ils reviennent avec ces moustiquaires à nos domiciles. Et le ministère de la Santé publique indique que ces moustiquaires seront octroyés les 18 et 19 de ce mois. Tadendi Koumana, porte-parole de ce ministère, explique que ces moustiquaires ont déjà été acheminés au chef-lieu des communes. Isanganiro. Sit-in devant les bureaux de l'administrateur communal de Boutézi ce lundi de plus de 4000 personnes de la colline Mouyangé en province Rouyégué. Cette population voulait manifester son indignation à la suite de l'exécution d'un procès qui exproprie 800 familles de leurs propriétés foncières au profit d'un certain Samuel Nirameba, correspondance de Jean-Claude Chimirimana depuis Boutézi. Nous demandons aux instances judiciaires de nous rétablir dans nos droits. Telle est la demande formulée sur papier tenu à la main par certains dans plus de 4000 personnes, hommes, femmes et enfants tous confondus, de la colline Mouyangé en commune Boutézi de la province Rouyégué, lors de leur manifestation ce lundi devant les bâtiments abritant les bureaux de la commune Boutézi. Lors d'un échange tenu avec l'administrateur de cette commune, ceux qui se sont exprimés au nom de cette population en grève ont dit qu'ils ont voulu manifester leur indignation face à l'expropriation suite à l'exécution jeudi dernier par le tribunal de grande instance de Rouyégué du procès RC numéro 1/1988 rendu par la Cour suprême le 14 février 1988. Pour eux, il est inconcevable que des terres cultivables s'étendant sur 9 hectares soient au nom de la justice confiées à un certain Samuel Nirameba au détriment des familles qui les occupaient avant même l'indépendance du Burundi, surtout que même les parents et arrière-grands-parents de Samuel Nirameba n'avaient jamais porté plainte. À cet effet, cette population en colère demande au ministre de l'Intérieur et à celui de la Justice à trouver un autre endroit pour leur réinstallation en dignité. L'administrateur de la commune Boutézi, Georgine Nirameba, leur a promis de transmettre leurs doléances aux autorités habilitées tout en les conseillant à ne plus songer aux manifestations comme voie de sortie du problème. Nous avons voulu savoir l'avis de Samuel Nirameba, mais nous n'avons pas pu le joindre. Vous saurez que cette colline Mouyangé se trouve à environ 6 km du chef-lieu de la commune, dans la zone Mouvira. Jean-Claude Nshimirimana, Boutézi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude Nshimirimana. Plus ou moins 12 000 réfugiés burundais seront rapatriés dans le pays jusqu'à la fin de cette année. L'annonce du ministre de l'Intérieur après un entretien avec le représentant du HCR au Burundi ce mardi, Pascal Barandagié, a indiqué que le premier convoi de plus de 300 réfugiés sera accueilli ce jeudi. Les sites de transit sont Kajaga, Songoré en province de Muyinga, Ruyigi et Gitara en province de Makamba. On fait le point avec Oban Yomuru. Il s'agit des centres de transit où ces réfugiés burundais en provenance de la Tanzanie seront accueillis avant de rejoindre leur ménage. Ces centres sont au nombre de 4. Après un entretien avec le représentant du HCR au Burundi, le ministre Barandagié a annoncé le calendrier de ce rapatriement volontaire jusqu'au 31 octobre. Ce jeudi 7 octobre, 350 Burundais seront accueillis et seront répartis en deux camps de transit, dont celui de Kajaga et celui de Ruyigi. Pascal Barandagié a souligné que plus ou moins 12 000 réfugiés se sont fait inscrire pour être rapatriés volontairement. Leur objectif est de rapatrier 6 000 Burundais jusqu'au 31 octobre. Le ministre burundais de l'Intérieur n'est pas pourtant précis quant à l'effectif total des réfugiés burundais exilés en Tanzanie. Bon, on n'est jamais allé en Tanzanie pour faire une enquête, mais en croire les chiffres avancés par le HCR Tanzanie, il serait plus de 100 000. Mais nous avons demandé, lors de la tripartite, au gouvernement tanzanien de vérifier les chiffres. Et parce que les chiffres qu'ils ont toujours avancés depuis que ces gens sont allés en Tanzanie, là, dis-moi pour ceux qui sont allés en 2015, on voit que c'est finalement c'est le même chiffre qui revient. Alors que nous avons déjà accueilli plus de 100 000. Alors on se dit, est-ce que maintenant on a encore plus de 100 000 en Tanzanie? Nous avons recommandé qu'il puisse y avoir une vérification donc sur le terrain, un recensement, ce qui va nous permettre de savoir exactement combien on sera amené à accueillir dans les prochains jours. Parce que nous espérons que tout le monde va se faire inscrire pour rentrer. Le principe étant que le rapatriement soit volontaire. Abel Mbirinyi, représentant du HCR au Burundi, fait savoir que ces Burundais seront assistés pendant les 3 premiers mois en vivre par l'OPAM. Radio Isanganiro Chronique. Je l'avais annoncé dans les titres dans la chronique santé ce mardi, nous revenons sur les hépatites virales et c'est la deuxième partie. L'hépato-gastro-entérologue Donatien Irambona fait savoir que certaines de ces hépatites guérissent une fois traitées à temps, mais elles peuvent aussi entraîner la mort d'un patient si elles ont abouti à la cirrhose ou au cancer du foie. Docteur Donatien Irambona, l'a dit à Francine Dirokoubgaïo. Nous vous avons parlé dernièrement des hépatites virales qui sont ces infections du foie causées par des virus. L'hépato-gastro-entérologue Donatien Irambona nous a indiqué qu'il s'agit des maladies contagieuses mais qui diffèrent par le mode de transmission. Il nous parle ici de la façon dont évoluent ces hépatites. Il y a la phase chronique et cette phase chronique est le plus souvent silencieuse mais évolue malheureusement vers des stades plus graves, en l'occurrence pour certains virus, la cirrhose et le cancer du foie. Et là, c'est le moment où la maladie fait plus parler d'elle. On peut dire que c'est une complication, mais qui, elle aussi, a d'autres complications. Oui, notamment l'hémorragie digestive, le fait d'avoir de l'acide, ce qu'on appelle de l'eau dans le langage courant, dans le ventre, des œdèmes qui se présentent comme un gonflement des membres inférieurs. Ça, c'est aussi une complication d'une forme évoluée. Ces complications peuvent conduire à la mort si le malade n'est pas traité correctement. S'il est traité, on peut retarder la mort ou même il existe des possibilités de guérison selon le mode ou la présentation de la maladie. Certaines de ces hépatites virales peuvent être traitées et aboutir à un résultat positif et peuvent aussi être prévenues dans certains cas. Il existe des médicaments, notamment pour le moment, ce qui est à la mode, ce sont les médicaments contre le virus de l'hépatite C. Et si je dois le rappeler, c'est la seule infection virale chronique qui est curable. Pour les autres virus, comme le virus de l'hépatite B, c'est possible de les guérir, mais c'est plus difficile. Par rapport au virus de l'hépatite C, on peut les prévenir. Les hépatites A et E, par l'amélioration des conditions d'hygiène individuelles et collectives. Et les hépatites B, on peut les prévenir par le biais de la vaccination, si on n'est pas encore immunisé. Et il y a aussi d'autres moyens de les prévenir, c'est d'éviter de partager les objets tranchants, d'éviter de faire des rapports sexuels à risque. Comme pour toutes les maladies qui se transmettent par voie sexuelle, par voie materno-fœtale ou par voie sanguine. Le malade devrait lui-même informer sa famille de son état sérologique pour plus de prévention. Il y a un principe de secret médical qui fait que même si on trouve une infection ou une maladie quelconque chez un patient, ce n'est pas au professionnel de santé d'aller approcher sa famille. La démarche inverse, si le patient est intéressé ou bien est consentant, il peut contacter les autres membres de la famille pour leur demander d'aller se faire dépister et de prendre des mesures qui s'imposent. Toute personne devrait se faire dépister pour connaître son statut vis-à-vis de ces virus, pour savoir quel comportement adopter, conseille l'hépato-gastro-entérologue Donatien Irambona. Merci docteur, merci Francine pour ces éclairages sur les hépatites virales. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à tous, Mitewoti, pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco de Wimana. Un bon après-midi. Yeah.